Merci Docteur V d'être venu chanter pour nous. On commence l'encan, foire, je sais pas. Il va y avoir moi et Toto, il va y avoir Docteur V. Puis on a plusieurs surprises aussi. Il y en a qui se reconnaissent dans la salle quand je dis ce mot-là en ayant l'air narquois. Là-dessus, j'ai un gilet d'arbitre. Puis je passe ça à Docteur V. Merci Docteur. Chicky Chicky Daddy. Alors bonsoir, nous sommes descendus en Chevrolet Bel Air 1977 avec des gens que nous avons embarqués sur le pouce, et ce, il y a 3 jours. Et puis, il nous fait grand plaisir, moi et mon groupe, d'être ici. Alors, je vais commencer avec une petite chanson de WD-40. Tu parles des souvenirs d'Amos, parce que moi, je suis né à Amos. J'pense à toi quand j'me crosse, ma belle grande squad Amos. J'sais qu'on s'est pas vu souvent, mais je t'aurai dans la mémoire longtemps. Faire de la coke dans les bécosses, avec toi ma belle grande squad Amos. Oh, j'aimerais ça te revoir avant, mais t'sais le rock c'est fatigant. Connaissez-vous cette chanson-là? Ouais? On dirait pas. Moi, je la connaissais un peu. Un peu. Les baleines et pis les phoques mangeaient dans notre histoire de brosse. On s'en est donc parlé longtemps de ces animaux intelligents. Comme ton castor albinos, squatté par les trappeurs d'Amos, j'aurais donc dû manger avant de mettre la paille dedans. J'pense à toi quand j'bois du scotch, marié avec un gawish d'Amos, qui t'a donné 3 beaux enfants avant de se ramasser en dedans. Ouais, je sais que je pense tout croche. Je connais rien aux Indiens d'Amos. Je suis pas nécessairement plus brillant, parce que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Rhin. Même si j'ai beaucoup d'amis, chez nous à Chicoutimi, reviens me voir, je t'en prie, mais que je revienne jouer en Abitibi. Hey, y'a une couple de fuckers d'Abitibi ici ce soir! Alors, je pense que. Ils ont-tu le goût de commencer la camp dès maintenant, les amis? Simon Boisvert, il s'en va! Merci, Simon Boisvert! Yeah. Merci, Simon Boisvert! Simon has left the building. Sérieux, je suis très content d'être avec vous ce soir, c'est sûr et certain. Ah, la bédaine, hein? Ouais. Ah, c'est correct. Sinon, en fait, on commence l'encan douteux. Vous le reconnaissez, ça a été fait par Dan Supertramp. 50% des bénéfices vont s'en aller au monsieur susmentionné. Sinon, en attendant, ça vient d'être autographié par le maître lui-même, Simon Boisvert, mon nouveau Simon préféré. Donc, on est au moment de la vie. Ou, moi je dis on commence, moi je donne 20$ pour ça. 29. 20$. 20$ une fois. 20$ deux fois. C'est la meilleure affaire de toute ma vie. 25 cents. Non, faut que tu donnes plus d'habitude. Hein? Oh, il vient de te dire 20$ et 25 cents, lui-là. Non. Merci, c'est à moi, ça va être au musée et ça va être offert à tout le monde. Merci à Dan Supertramp. Ben là-dessus, je pense que j'ai prouvé que j'étais vraiment un bon encanteur. Je pense que j'ai absolument pas besoin de personne pour venir avec moi faire ça. J'ai absolument rien à dire. Tout va bien. Thank you. Mesdames et messieurs, Toto! Ok, comme ça. Les gens te connaissent. Comment ça va, foire de l'absurde? Il est temps que ça lève, asti, j'étais là-bas, je trouvais ça plate en crisse. Ok! Ouais, c'est de même. Fait que là, on va à des cossins. Oh, on commence en force? Ho ho! Ok, alors, si vous êtes comme moi, vous allez tous être extrêmement excités par l'idée d'entendre les mots casse-tête 3D! Surtout s'ils sont combinés aux mots Skydome et Tour du CN. C'est ça, non, mais à défaut d'être libre, on est semi-libre et on prend pour le Canada. Voilà, alors, sur ce, on vend ça en force. Il s'agit, c'est pas une joke, il s'agit d'un casse-tête 3D représentant la Tour du CN et le Skydome. Pourquoi pas? Des fois, il neige, puis on n'a rien à faire parce qu'il n'y a plus de câble, puis c'est de même, OK? Alors, ça part parce que c'est en carton à 3$. OK. Et c'est ça, c'est au plus fort la poche. Hein? Alors, 3$. 3 piastres et quart. Ça, c'est 3,50, voilà, ça va bien. 3,75, OK, ça va bien. 3,75 une fois. 3,75 deux fois. OK, ben 3,75 trois fois vendu. Fait que je sais pas qui va y porter ça. Alors c'est ici. Je me sens un peu abandonné. Alors, Tommy Golette. J'ai besoin d'un lot. Ben, en fait, j'étais parti dire salut à notre invité d'honneur de ce soir qui est parti, Diana Lewis et Jacques aussi. J'ai pas compris le nom de famille. Caméraman, hein, il a fait 4 films sur 6 avec le gars. Avant qu'on passe aux suites de comme les aventures et tout, c'est toi, Toto, qui a supervisé la décoration. Il y en a qui ont comme des petites boules avec de l'eau. Alors, si à souligner, on a fait... ce qu'on appelle... On a déjà une madame tannée dans le coin là-bas. Ça prendrait un peu plus de persuasion dans ce coin-là. Alors! Bon, ça, c'est des... Crier un peu! C'est des Dr. V groupies. Il va enlever du linge tantôt si t'es tranquille. OK, fait qu'on m'a dit de crier dans ta direction. Alors! Sur ce... Ben non, moi, je suis les consignes. On me donne des consignes, je les suis. Alors, on a fait des snow globes qui sont magnifiques. Ils sont un peu partout sur les tables. Il y en a de Hulk Hogan, Billy Blanks, Joël Legendre. C'est, et Carl Carmoni. Et voilà. Alors, tous des grands totems. Moi, j'aimerais féliciter d'ailleurs Sarah. Je pense bien sûr. Ça a été ta muse dans l'exercice. C'est ma muse dans toutes les étapes de ma vie. Un gros merci à Sarah Paquette. Yeah! Et puis en plus, ça va être facile à ramasser. C'est de toute C'est facile à ramasser. Oui. Toi, tu dis que tu connais son frère? Ah oui, c'est lui qui a enregistré notre album. Bon, voilà. Parce que toi, Dr. V, t'es pas juste un musicien, t'es un musicien... Je suis un groupe. ...qui fait de la musique. Je suis un groupe. T'sais, n'hésite pas à parler dedans, là. Moi, je veux que tu sois à l'aise, là, tiens. Comme ça. Bon. Sinon, en fait, Toto, c'est moi qui vais faire le prochain lot. Ben oui, voilà. Si tu me permets, avant qu'on passe à une chanson de notre invité qui a très bien fait ça, la petite ambiance. Alors, on va vendre de quoi avant, après ça, on part. Parce qu'on a ce soir avec nous Richard, vous l'avez remarqué, il a l'air un peu spécial parce qu'il y a un casque avec une grelot dessus, là, un grelot. Ce soir, il nous a amené un des lots les plus weird. Il m'en a amené deux et j'en garde un pour chez moi. Et l'autre, c'est quelque chose de fabuleux. Richard, est-ce qu'il est là? OK, je vais avoir besoin de ton kiré. En fait, c'est que ça, c'est une indulgence plénière. Une vraie. Il m'a dit que ça vaut 300$ parce qu'à la base, c'était 100$. Mais celui-là, il est bon pour 3 personnes. Et, ça, c'est comme un ticket pour le paradis. Exactement. Genre. Quand t'es vraiment cave, toi, t'échanges de l'argent contre le droit d'aller au paradis et celle-ci vaut 3. Et il y a même, parce que la tradition veut que quand tu vends ou que tu donnes, que l'échange, en fait, l'indulgence plénière change de possesseur, il faut qu'il y ait une transaction. tu peux pas le donner à quelqu'un parce que c'est logique que l'Église exige qu'il n'y ait aucun geste de générosité franche. Et donc, en arrière, ils ont mis des petits stickers. C'est vrai, c'est tout pas des jokes que je vous raconte là, là. Et il y a des petits stickers et ça a été vendu à Blabla, c'est écrit en alphabétique, en lettres attachées par quelqu'un de 4 fois mon âge. Là. C'est écrit en lettres alphabétiques? En dessous, ouais. Ça, les, c'est grave, c'est comme ça. Le brouillard climatique, ça fait mal. Vendu à Tommy Godette pour un cantique. Ça, c'est Richard qui me l'a donné. C'est bon pour 3 personnes, je le rappelle. Et le cantique, comme je n'en connais aucun, Richard, il s'est offert pour venir le faire pour moi. Donc... il est le chevalier de ma cause dans le combat qu'il a lui-même créé. S'il vous plaît, on l'applaudit, c'est Richard, ouais. Non, on l'applaudit! Je m'appelle Probotop. Richard, c'est mon nom d'emprunt pour passer inaperçu dans la société. Vous n'allez pas me faire ça de même à soir. Mais c'est Probotop, mon vrai nom. Oui, Probotop. Fais-nous ton petit... Alors, je vais vous faire un cantique. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Je vois cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous, ô sort digne d'envie. Alors, je certifie par les présents que cette indulgence plénière a été transférée à Tommy Godet. Merci beaucoup, Richard. Donc, c'est officiel. Ça m'appartient. C'est bon pour 3 personnes. Comment cher ça vaut le paradis, tu vas me dire? Réponds aux foules, un prix. Pour 3 personnes. Faut la livre. 75 cents, on commence fort. Humblement prosterné aux pieds de votre sainteté, implore la bénédiction apostolique et l'indulgence plénière, un articulo mortis, lorsque repentant, mais ne pas savant se confesser ni recevoir la sainte communion, la communion sainte, ils invoqueront la bouche ou au moins le cœur et le saint don de Jésus-Christ. Tu veux avoir ça sur ton mur? Écoute, c'est bon pour 3 paradis. J'ai 75 cents. 2 piastres. 3 dollars. Ça va bien. 3,25. 4 dollars. 10. 10 du gars qui nous l'a donné. Ça, c'est 3 personnes qui vont au paradis, là. 17? Ben, lui, il a dit 10. Toi, tu dis 7. 10 une fois. Hey, tu l'as pas, mais faut que... 10 deux fois. Hey, 10 3 fois vendu. Je pense que toi, t'as envie de chanter une toune, c'est ça que t'essaies de me dire. Mais non, mais j'en peux plus là, de l'entendre là-bas. Elle a ta gémie, puis elle se plaint, puis t'entends. Oui, elle a besoin de toi. Une foire! Elle va dire... Ça sent pas la foire, ça, là! Impose-toi! OK, mesdames et messieurs, voici la chanson la plus vulgaire de tout notre répertoire. Et si s'il y en a qui savent, ça s'appelle Cuba, je plotte! Cuba! Cuba, je plotte. Accroche-toi bien, ma belle salope. Cuba, je plotte, ça me dérange pas, moi, c'était pas propre. Wow, Cuba, je plotte, si ça te fait mal, ma belle salope. Cuba, je plotte, c'est une faculté qui se développe. Cuba, je plotte. C'est à cause des slots qui sont pas propres, qui bougent plate, qu'on a inventé. Lake Pot! Voilà. bouche plate cul, bouche plate cul. Rendu là, ça me dérange plus. Ah, t'aimes pas ça quand je regarde la photo, bouche plate cul. Je n'y penserai plus quand je serai venu. Ah, oh, bouche plate cul, je vais te remplir de sperme, ma belle charrue. Bouche plate cul, bouche à plate cul. Ok, arrête ce petit bout. Là, c'est le bout informatif de la chanson. C'est le bout que ce que ça dit que quand tu mets ton pénis dans le caca de quelqu'un, et après ça, faut pas que tu le mettes tout de suite dans le vagin parce que ça peut faire des vagioses. Puis ça, il y a une fille qui m'a conté une fois que elle était coiffeuse et puis ça sentait à travers son linge. C'est vraiment important. OK? Plot qui bouche, des infections pas mal louches. Oh, plot qui bouche, plot qui bouche, plot qui bouche, je bande un peu, mou, faut que je me touche. Oh, plot qui bouche, s'il y a un louche, rajoute un pouce, rajoute deux pouces, rajoute deux pouces pis un ongle d'orteil. Merci. Encore plus de vulgarité? Oui! Okay. On a-tu fait arc-à-flèche, là? Ça, c'est une chanson de chasseur! Ben, ok, ok. Encore la même tonalité. Ben, oui. J'ai un pick-up, stripe et browning. Moi j'aime bien ça, aller à race. J'ai un motocross, comme dans Rambo 1. Un arc à flèche, comme dans Rambo 2. T'es la Remington, des arcs à flèche. Quand je bande mon arc, les animaux mourus. T'es la Remington, des arcs à flèches. Quand je bande mon arc, les animaux mourus. Quand je suis allé au pawn shop pour acheter un arc à flèches, un arc à boulet. Hey, qui c'est qui a pas le tempo ici là? Vas-y. T'es la Remington, des arcs à flèches. Ok, on va suivre, on changera pas les animaux. Lâche pas, tabarnak. T'es la Remington, des arcs à flèches. Quand je bande mon arc, les animaux mourent. Oui! Fait que je suis allé au pawn shop pour acheter un arc à flèches, un arc à poulet. J'ai vu la caissière et je lui ai dit: ah, oh, là, c'est beau de vulgaire. Pour toi, chérie, voici cette chanson. Elle avait une grande fente. Une maudite grande fente. Oh, tellement de grande fente. Je suis sûr que tout le monde rentre. Ok, tout le monde connaît les paroles. Elle avait une grande fente. Tout le monde a une grande fente. Tellement de grande fente. Je suis sûr que tout le monde rentre. Ben, je suis sorti avec mon arc à poulet dedans la rue, dedans la ville. Les polices m'ont vu et ils m'ont interpellé. Ils m'ont arrêté avec mon vieux char, ça me fait un peu chier. T'es la Remington, des arcs à flèches. Hey Tommy, tu veux-tu faire un peu de back vocal? Come on, come get some. T'es la Remington, des arcs à flèches. Quand je mange mon arc, les animaux mourus. Rodrigo, tu l'aimerais celle-là? Tu vas-tu faire des bacs vocales dans celle-là? Moi, ton répertoire, je l'aime bien gros. Ok, ben viens chanter. Ouais, je fais des bacs. Viens chanter. Rodrigo! Si tu poses, je chante pas dans le micro. C'est bon? Yes, sir. Est-ce qu'il y a la chorale des brosseurs parmi nous ce soir? Oui, il y en a deux, trois. Ok, merci beaucoup de votre attention. Les autres, allez au diable. Non, attends, je peux me racheter. Les autres, excusez-moi, on va vous apprendre la chanson, c'est la la la la la la la la la la la la la la la. Allez, grand tonton. pense pas trop à moi, j'ai juste fait ça parce que j'étais sous. Je m'en rappelle même pas, moi et mon nom, c'est Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. J'suis encore bien sous, je suis un Rodrigo. Pas besoin de savoir les paroles. La la la la, la la la la. Il a dit j'étais bon, il a dit j'étais bon. T'as les cheveux tellement soyeux. Vendredi au soir, on socle de l'argent pour sortir du bois, moute quête sa maman. On le fait à croire qu'il va aller travailler. On a soif pour boire et puis faim pour foirer. On est des rendez-vous, on est des rendez-vous. On est encore sous, on est des rendez-vous. La la la la la la la la la la. T'aurais-tu un peu de change pour un cognac à 4 piastres? L'hiver est arrivé, faut se réchauffer les extrémités. On m'annonce à coup de pied de me trouver une job, un loyer. M'a trouvé un trou car je suis un rendez-vous. Je suis un rendez-vous, je suis un rendez-vous. Pour têter un café, mais j'étais pas là pour nous déborder. DJ Valois en arrière de la vitre. Oui, les gars, ça loue juste à 3h, ça coûte 25$ pour aller voir le concert. Il me laisse pas rentrer, il me laisse pas rentrer. Y'a pas besoin d'être sous, lui, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Y'a pas besoin d'être sous. C'est le bout qu'on conduit un tout petit cheval dans une tout petite étape. Une belle créature qui passa par là, vit le guenillou dans un piteux état. C'est un petit rongeur qui a de l'air à Wolfette. Viens te réchauffer, je m'en vais te faire à manger. Je suis un rendez-vous, je suis un rendez-vous. Je vais remplir un trou, je suis un rendez-vous. Je suis un rendez-vous, je suis un rendez-vous. Ouais, c'est un arcane. Ah oui, ah oui. Moi, avoir quatre mains, je t'applaudirais bien plus. On est massé là, moi. Ouais, oui, ben oui. Ben, salut Toto. Salut Toto. On est-tu là, là? On est rendu? C'est un peu Noël, hein? Qui la sent, la magie de Noël? Est-ce que vous sentez la magie de Noël? OK, non, là, on va mettre de quoi au clair. Non, mais tu peux pas le faire crier non. Après tout. Attends. on va mettre de quoi au clair, là. Il y a des tons, hein? Quand je fais ça de même, si vous faites rien, j'ai l'air d'un esti cave. Comme vous m'aimez quand même bien, ben là, je vais le faire, puis vous allez pas me laisser avoir l'air d'un esticave. Je savais que je pouvais faire confiance. C'est pas pire, parce que tu leur as même pas dit quoi faire, là. Il aurait pu comme se fouiller dans le nez tout le monde en même temps. Écoute, c'est la liberté. Ils ont usé de leur liberté à bon escient. Ils m'écoutent plus que je pensais. C'est magique. Voilà. Alors, sur ce, on est rendu au bout. Tout ce qu'on veut à des cossins. Pendant pas longtemps, parce que j'ai hâte de réentendre Docteur. Ouais, mais on va vendre quelques cossins parce que c'est ça. Parce que en fait, je coûte 200$ de l'heure. Fait qu'il faut bien me payer. Voilà. Le musée de l'absurde, c'est l'endroit où j'habite. Et au fil des années, il y a quand même une routine assez claire de je sais pas quoi faire avec, mais le donner à Tommy. T'sais, tout le monde a déjà pensé à ça. Et avec les années, pour vrai, je me ramasse avec une des choses que les gens prennent le plus pour acquis, merci Internet, c'est les DVD, sûrement un des formats les plus vacués rapidement de l'histoire. à valeur, valeur à neuf, là, il doit en avoir pour 3000 pièces là-dedans. Pour ouais, vrai. Effectivement. Tu vois, il est écrit 10 pièces dessus et c'était prévisionné et c'est, il est écrit que c'est touchant dessus, c'est une grande œuvre. Là-dedans aussi, il y a des VHS avec un sticker. Il est écrit Steinberg 3h30. Hey, j'en veux. Non, mais. Ouais, je sais pas. D'abord, il y a, ça, il y a ça même, veut dire... Ils ont même pas arraché le petit tac. Fait que. Pourrait encore. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un en quelque part qui avait une cassette écrit Steinberg 3h30 dessus, puis il l'a pas gardé, man. Effectivement. Ça, c'est n'importe quoi. Et donc, il y a un sacré sac ici et ça. Ça continue. C'est comme si j'espère parler à quelqu'un comme moi. Oh, attention. Ne serait-ce que pour ça, mesdames et messieurs, un don anonyme. Elisabeth Blouin-Brathwaite. C'est un don anonyme, mais qui m'a dit, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres chez nous. Alors, et c'est pas une joke. Ici, il y a un VHS country music. Moi, l'anonymat, je compare ça, c'est fucking Prej qui a donné ça. ben oui, Simon Prej, mesdames, messieurs! Hein, easiest pop ever. OK. OK, ben, fait que c'est une pile, on veut juste plus avoir chez nous. Même. Ben, oui, je veux juste plus l'avoir chez nous, y'a-tu quelqu'un? Hey, ça, là, c'est parfait, parce que, tu sais, des fois, là, tu regardes ton salon, pis là, il est super propre, pis il est super dégagé, pis là, y'a une belle place à terre, pis tu dirais, « Me semble que je mettrais un sac de cochonnerie, là. » Là. Ça vient avec la poussière aussi, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Je pense que c'est quelque chose d'important. Moi je commence à je donne 2 piastres à la personne qui part avec, puis je le vois plus. Fait que 3, 4, 5. Là, vous réalisez depuis. Ta gueule, depuis qu'on dit des chiffres, c'est pas moi qui lui donne de l'argent, là. je veux juste faire sûr, là. Hey, attends, il y avait quelqu'un déçu. J'adore ça. Mais quoi, c'est quoi le lot? Ça fait une demi-heure qu'on en parle, c'est-tu? C'est le sac. Ça s'appelle un sac. Et ça contient des DVD et des VHS. Je le sais, dans ton temps, c'était pas ça. Dans ton temps. Combien je t'ai rendu pour elle? 6. Ça continue, c'est parti. 6. 7. 7. Ben, je sais pas. Ah, il y a un long métrage, c'est avec Elias Côté House. Et ce n'est... Puis il brosse dans la caisse. C'est Casey 7$. Jones. Oui. Une fois... 8! 8 $! 9! Non, j'accepte pas ça, ce monnaie-là. 9 $! Une fois. 9 $! Deux fois. Combien? 10! 10 $! 11 $! 12! Il veut le ramener au musée, mesdames, messieurs, j'adore ça. 12 $! Une fois. 13 $! 15! Oh là là! Ah, y a un film ici avec Jim Sturgess. 20 $! Ça, c'est... Sérieux, j'aimerais ça que ça soit pas ma blonde parce qu'on a déjà rien que ça, des sacs de VHS dans la maison, puis là, j'ai plus quoi. Ouais, mais toi, t'es bénévole de douteux aussi. J'étais combien, 20? 20? 20 $ une fois! 20 $ deux fois! Dans ce temps-là, il était pas légal. Je sais pas si ça change ton idée, Richard. Non, OK! 20 $ trois fois vendu! De toute beauté. De toute beauté. Hey, si tu me permets, Toto, avant qu'on passe à une chanson de Dr. V, sûrement, t'as besoin d'attention. Ouais. Avant de prendre possession de ce sac, laisse-moi te dire que chez nous, j'ai beaucoup, beaucoup de cochonneries. Mais je suis sûr que j'ai trouvé un coin où je peux le mettre. Il est en train de faire un coming out sur son problème de hoarding. Mais merci Richard, nous on les processe ici. En fait, je veux parler en attendant que Dr. V vienne nous rejoindre pour la suite. Dr. V moi, est demandé en salle d'opération. Il a le droit d'aller pisser et d'aller chercher de la bière, gars, il est là-bas puis il est viré. Ouais, hein? Moi, je veux parler de pourquoi le logo de Douteux, c'est ça. Tu sais, il y a comme un D-O-U-T-E-U-X, et puis le O, il est comme avec des rayons de... De soleil. Ouais, de soleil. En fait, ça vient du... ça vient dans le temps. Dans le temps, quand on a créé l'organisme, moi je faisais beaucoup de basic intense, genre, tu sais, je faisais 50 livres de moins. Fait que j'étais capable de... Tu sais, faire du skid comme ça, là, tu sais, tu lèves ta roue de bicycle puis tu vas rouler sur le côté d'un char qui t'a fait chier. Je faisais ça, moi, dans ce temps-là. Et je mettais un bandeau de kamikaze parce que, pour moi, les kamikazes, c'est sûrement la job la plus motivée de tous les temps. Parce qu'un kamikaze, il savait, avant d'embarquer dans l'avion, qu'il y avait une chance sur 10 de se rendre au point d'impact. Et qu'ensuite, il y avait une chance sur 10 que ce soit utile. Fait que si tu fais 10 fois 10, tu te rends compte que ta vie vaut plus que ça, mais pas eux autres. Et en plus, les kamikazes, ils savaient qu'il y avait assez de gaz dans leur avion seulement pour l'aller. Je le sais que c'est spécial. Tout ça pour dire que... Ils s'en vont quelque part. C'est arrivé plusieurs fois que... mettons, le renseignement des États-Unis disait « Ah, il y a une flotte de bateaux qui va se faire détruire, fait que, ben, on l'enverra pas parce qu'on l'aura fait à grève. » Fait que là, le kamikaze, il s'en va là avec ses chums, tu sais, il se rend à Chris, il n'y a rien. Ben, ils n'ont pas de gaz pour retourner, tu sais, fait que, boum, tu sais, merci mère patrie. Et plus loin que ça, les gars, ils arrêtaient de manger 3 jours avant d'embarquer dans l'avion, ils arrêtaient de boire le plus possible. Pour perdre le plus de poids possible, il embarquait dans l'avion tout nu. Comme ça, il pouvait mettre plus d'explosifs. Puis il y avait des explosifs qui allaient jusque dans le bout des ailes. Hey, écoute, c'est dire à quel point il était motivé, les Chris. Je te jure, là. Et donc, ça explique un petit peu pourquoi je mettais... Parce que moi, la motivation, c'est ce que j'aime le plus au monde. À part faire des films ou des clips avec mes amis, là, mais ils m'appellent plus. Là. Mais... hey, Dr. V, on a besoin de toi. Non, tabarnak! Je suis rendu à la fin de mon anecdote en crise, moi. Fait que, ben, merci, hein, on n'a vraiment pas fini la soirée. Si vous avez une histoire à nous raconter qui est à peu près aussi intéressante que la mienne, on va peut-être trouver un trou. Non, ça va prendre plus. OK, ah non, on m'informe que ce ne sera pas Dr. V qui va venir prendre le relais. Non, docteur, ben oui, tu peux venir prendre ta place, c'est la tienne. Puis boire, sinon, on a un imam particulier ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hey, c'est à vous autres qui parle. Bonsoir! Alors, ce soir, vas-y, à la place du sapin de Noël. Merci. Je rigole. Bonjour à tous. Alors, ce soir, c'est un peu particulier dans le sens où il y a quelques temps, j'ai fait la rencontre d'un homme incroyable qui s'appelle Andy Jack. Et Andy Jack, dès que je l'ai rencontré, il m'a envoyé une event en disant « Hey, j'aimerais ça faire des trucs particuliers avec tous mes potes Facebook. » Et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Hey, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. » Et ce qui serait vraiment cool, c'est que on fasse une goy mitzvah ensemble. Donc, Andy Jack, levez-vous s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Andy Jack. Pour sa fête avec 2-3 semaines de retard. Non, retourne au fond sur la chaise. C'est la deuxième fois que je fais ça, mais j'ai jamais été plus loin que ça. Andy Jack, tu vas prendre place sur la chaise, s'il te plaît. Parfait, méga tough guard. Cool. Tommy, est-ce que tu peux mettre la key brassière sur la tête de... Ah. Parfait. Nous allons donc chausser la key brassière apparemment, parce que là où j'habite, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et messieurs, que Andy Jack va venir maintenant sur le devant de la scène, Après la pastafari, il y a la pastafari. Ouais, sans doute. Andy Jack va maintenant subir une goy mitzvah. Messieurs, quand vous êtes prêts, est-ce que la kibrassière tient bien sur son visage ? Allez, à 3, 1, 2, 3. Wouh ! Andy Jack ! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Andy Jack ! Qui dans quelques secondes va devenir un homme probablement. Oui, oui, oui, s'il est un peu lourd. Viens, viens mon grand. Alors mon petit gars, apparemment on fait comme ça, j'ai lu ça dans le manuel. Tu la casses, fais gaffe à pas te couper le pied. Ah shit. Hey, ils sont plus résistants que je pensais les vers de Dollarama. Ah bah oui, excuse-moi. 1, 2, 3. Mazel Tov. Alors, Andy Jack, pour être un vrai... Un vrai semi... Semi-goy, goy, tu es goy. Pour être un vrai goy, tu dois lire ma vie. Quelques phrases de ma vie de Norman Lamour. Alors, je vais demander à ce type-là au t-shirt noir de dire un chiffre compris entre 0 et... On s'en branle. Ah merde, putain. Ah, c'est bon. Bien, je vais bien en écart avec l'un des quatre feuilles m'enfler. C'est sympa. Et là, tu vas prendre la fourchette sacrificielle. Et tu vas pointer. Et attends, bouge pas. Voilà. Tu choisis, là, par exemple, dans le parage. Tu prends le micro et on t'écoute jusqu'à ce que tu sois tanné, donc à peu près 15 lignes. Tu me connais pas. Dans le parage, cette personne osait, à tout coup, à chercher à détruire ce que je disais, que je, quand je parlais aux gens. En cherchant à me contrarier ou à me questionner d'une question à laquelle il ou elle pensait que je n'aurais pas capable de répondre, comme pour me tendre un piège. Alors je parlais à cette personne et je lui disais que je l'aimais en double. Et la personne me laissait enfin parler. Je lui disais qu'elle était ou qu'il était du type Judas, quand je l'aimais en double. Et il ou elle s'apaisait. Je pouvais passer mes messages par la suite, à ceux qui étaient prêts ou prêtes pour le message que je pouvais passer un par un ou une par une ou collectivement. C'est évident. Il faut remarquer que plus qu'on se pose à soi, à son divin, plus on se pose aux autres. Plus on accepte son divin à soi, plus on accepte le divin des autres. Plus on est fermé, plus on est fermé vis-à-vis des autres. Plus on souffre à l'intérieur, plus on est refermé sur soi. Quand le miracle de l'ouverture de l'âme se produit dans chaque ménage, il y a toujours une personne qui est plus avancée que l'autre. Andy Jack! Et maintenant, on va passer à la dernière étape, celle qui est vraiment la moins cool. Alors, on va pousser l'assiette sacrificielle. Voilà. Est-ce que tu peux pousser ta bière sacrificielle, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Putain, il y a du verre sacrificiel partout ici. Andy Jack, tu sais qu'être un homme, c'est pas facile tous les jours. Il va falloir t'allonger sur cette table. Oui, sur le dos, ici, s'il te plaît. Et je prends l'assiette sacrificielle. Là, enlève tes mains, s'il te plaît, ça me dérange. Merci. Et les effets spéciaux sont grillés de toute façon. C'est pire que Michael Bay. Est-ce que je pourrais avoir les coupeurs électriques sacrificiels, s'il vous plaît ? Merci. Est-ce que tu peux me tenir dans mon micro sacrificiel, s'il te plaît ? Veux-tu que je crie dedans ou... Tu es un homme à présent. Un homme qui a un prépuce qui goûte le smoke meat. Tu es beau. Et maintenant, tu peux me rayer de ta liste de trucs à faire sur Facebook. Andy Jacques est un homme. Une photo, Stéphane P, c'était pas trop sous. On peut rester comme ça pendant des heures, ça n'arrange pas. Ok, hey, les gars, en attendant que Stéphane P prenne la photo, moi, ici, présentement, j'ai un coupon qui vous donne droit à une consommation. La première personne qui prend une photo du stage et qui la publie sur la page de l'événement de la 7e foire de Douteux, alors à ce moment-là, remporte le billet. Fait que go! À vos Kodak, à vos iPhones, à vos téléphones intelligents, allez sur la page de l'événement de la 7e foire de l'absurde, postez une photo de la scène. Le premier qui le fait, j'y donne mon coupon. Faut aller sur la page de l'événement Facebook, bien sûr, pour publier la photo et gagner le prix. Et je vous laisse entre les mains, mesdames et messieurs, du seul, de l'unique, Dr. V! Je lui ai demandé pourquoi V, il a dit « ça dépend quoi et ça dépend pour qui ». Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie de ne pas être parti parce que le festival n'est pas encore une foire, mais bientôt, ça va le devenir. Alors, est-ce qu'il y a des brosseux dans la salle ici ce soir? Bon, merci de crier fortement. Ponty, come get some. Ponto, come get some. Esprit social! I need a voice like yours. He don't speak French, esti. Pantaleon est comme get some. OK, fait là, mettons, pour les brosseux qui comprennent le français comparativement à M. Pantaleone Paparo, répondez biscuit social quand on fait « Biscuit social! » OK, je pense qu'il y a ça. Ben moi, je sais pas tant. OK. Biscuit social, c'est pas le jour de paye pour les jus de planète. Il te manquait 3-4 heures pour du pudding chômeur, biscuit social que tu m'écœures. Faire un souper, je m'en vais au centre hospitalier. Biscuit social. Tu es encore en train de séquer sur le bord du comptoir. On va monter son du foyer dans TV pour griller sa noix de chaud ballonné. Gratuit, Alors, on a un gagnant pour la première photo qui a été postée sur le mur de l'événement. Monsieur Dominique Labrosse, viens chercher ton billet. Ton billet est ici, tu as le droit à une consommation de ton choix en format d'une pinte. Ça peut être blonde, ça peut être rousse, ça peut être blanche. C'est de ton choix. Pour boire non inclus, bien sûr. Soyez généreux. Ok, bon, ben là, c'est le temps des choubidouap, là, gang de brosseux là-bas. Ok. Choubidouap, choubidouap, choubidouap, plus que ça. Demain. Non. Demain. J'ai un rendez-vous avec une porn star. Demain. Je vais faire des auditions. Wow! Demain. Pour un film d'action. Ok, tout le monde. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Choubidouap. Oh, demain. Oh. Ça va nous prendre. Au moins deux, trois caméras, pis une tonne d'éclairage. Au demain, bah ouais, besoin de bain du filage, parce que j'ai un rendez-vous avec une porn star. Choubidouap, choubidouap, d'ahou. Demain, ça sera la plus belle journée de ma vie. Parce que demain, on va filmer du soir jusqu'au matin. Wow! Demain. Mes chums me crairont pas quand je bois. Quand t'es ça, choubidouap, choubidouap, d'ahouap, choubidouap, choubidouap, choubidouap, d'ahouap. J'suis pas un gars jaloux, je sais que tu seras jamais à moi. Mais quand je vais être vieux, je vais encore me rappeler de la fois. Ouais, de la seule maudite fois. J'aurais eu une porn star juste pour. Choubidouap, choubidouap, choubidouap, d'ahou! Bon, avez-vous plein vos shorts ou bien là, vous en voulez un autre titre? Ben, je sais pas. Moi, j'aimerais ça en avoir d'autres. Est-ce que vous voulez plus de Dr. V? Ouais! Ben, c'est à lui, il faut le dire, là. Tantôt, il a demandé, il dit, c'est pourquoi Dr. V? Yeah. Bon, est-ce qu'il nous reste des chansons vulgaires ici? Non, pas vraiment, mais... On peut faire une petite chanson de... Ah, de... on pourrait essayer de chanter une chanson de Brassens, par contre. Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi? Je me passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de mal à personne. En écoutant le clairon. Ok, j'en sais quoi. Ça va lui prendre un petit encan bien maintenant. Ah, ben. Une chanson de techno. Je voulais pas la faire, mais ils m'ont dit que c'était plein de techno ici. Ouais, c'est beau. Eh ben goût sacré mon cas jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour se geler les pieds. C'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de galage. J'en cherchais pour peinturer mon char, mais pas de skidou, moi ça m'arrache. Des grosses tempêtes qui traînent à pu finir. J'ai la femme de mes fêtes, pis j'ai plus que de sortir! Il fait pas chaud! Ah! Ben, c'est beau, excuse-moi. J'aurais bien goût de claquer mon camp jusqu'au printemps. C'est bien correct, man. L'hiver pour moi, t'as tué ça comme ça? C'est pour se geler les doigts. C'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un os dans le fond de sa cage. Ah! Je cultive la mousse sur mon visage. Je ferme toutes mes fenêtres puis j'ai plus le goût de sortir. Oh, il fait pas chaud. Même si l'hiver c'est beau. Eh ben goût de sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour nous. C'est pour se geler les pieds, c'est pour se geler les doigts. Puis c'est pas pour se geler la tête dans le temps des fêtes. Dans le sud, c'est un maudit beau voyage. J'ai pas sa tonalité pantoute, lui. Oh, l'hiver, c'est moi, elle est sur une plage! Oh, le gros soleil qui traîne à pu. Ah, là, là, là! Là, c'est quoi donc? Ah, oui! Les chambres d'hôtel à 57 par jour, ça me donne le goût d'aller faire mon petit tour! Mesdames, messieurs! Ok, là, vous deux, là. Là, la prochaine fois que vous allez dehors, là, vous m'appelez. Esti, c'est quoi ce stock-là? Voyons donc. Moi, je veux en faire de hey, ça. Hey, sérieux, moi, j'ai fait une ride dans le char de Dr. V. Puis Toto, comme je te connais, si vous ne l'avez pas vu, c'est celui qui est parqué juste en avant. C'est un char de 1977. C'est le char que quand t'es arrivé, tu t'es dit, hey, je savais pas qu'il tournait un film ici. C'est ça, dans ce temps-là, il savait pas encore que ça allait mal sur la terre. Bon. Non, c'est ça. C'est dire, hein. Non, non. T'es pas il l'oreille dit... à Godette, tu seras pas. Il m'a dit, mot pour mot, ah, parce que je suis bon pour ça, il a dit, tu leur diras que ça a coûté 300$ de gaz et 300$ d'étiquette pour se rendre 17. Écoute, c'est voilà. Vrai, c'est vrai. Donc, on continue l'enquête. Et là, il y a t'as 50% sorti. Du prochain bénéfice qui va s'en aller à Dr. V, j'ai l'impression. On va l'aider à payer l'étiquette. On a quelque chose ici qui est pour les geeks hardcore. Je sais que vous êtes nombreux ce soir à vous demander pourquoi il n'y a aucune fille qui s'intéresse à vous. Pourquoi pas continuer cette idée-là en achetant une affaire avec des cougars, des loups? Ça inclut un en fait, t'installes ça sur ton ordinateur. Oui, t'as besoin de Windows 95. Et il y a des CD-ROM impliqués, alors. Exactement. On comprend. le contenu downloadable, c'est pour, tu sais, dans le futur. Donc, c'est Ultimate Quest. C'est deux mots. Il y a des loups. Wow. C'est sérieux, là, ça va finir sur votre étagère, puis c'est lourd. Devenez un des six personnages légendaires et survivez à une nature. Je suis déjà tanné. Qui donne de l'argent pour ça? Tu veux? T'as vu la fin? T'as vu? OK. Devenez un des six personnages légendaires et survivez à une nature à la fois hostile sauver et généreuse. Sauver la princesse. Par la chasse, le troc et la traite des fourrures. Qui a été vivez par au le méchant. Excuse. Ouais, c'est ça. Vivez au rythme captivant de ces personnages dans des décors à couper le souffle. C'est tout. Il l'a en anglais aussi. Hey, dans ce temps-là, là... Moi, je m'en rappelle parce que le gars qui faisait Luke Skywalker, là, Mark Hamill, ouais. Il avait eu un regain de popularité parce qu'il faisait un pilote dans des films filmés tout croche pour Wing Commander, qui était, à cette époque-là, ce qui est la réalité virtuelle qui est hot, c'est plus comme Astor. Donc, sur ce, c'est un peu lourd, fait que ça vaut quand même un certain montant. Ouais, ça, c'est lourd. Ça peut être un... Papier, et pour ceux qui tiennent le track de ce genre de choses-là, l'élastique, il est vraiment sur le bord de péter. Alors, je sais pas si ça intéresse et voilà. Quelqu'un. De l'argent, quelqu'un? Ok. Pas grave, on passe au prochain. Ici, j'ai un excellent. Ça, ben oui. Oh, oh, oh! Moi, je me suis dit, il y a des filles, on va lui presser ça. Parce que... La seule chose qui est plus hot qu'un casse-tête ou qu'un poster, c'est un casse-tête poster, bien sûr. Fait new, que là, tu le fais. Kids. New Kids. Puis tu le mets sur ton mur. Qui donne de l'argent pour New Kids on the c'est Block? Sûr qu'il y a on commence quelqu'un. À 3$. Deux. Il y a dit 2, lui. Ah, il y a dit 4 okay, dollars. 4. 6. 6 dollars une fois. On vous rappelle que les New Kids on the Block se sont excusés à l'ONU en 1996. Ils ont 8 $. Ils ont dit « On recommencera plus, on s'excuse. » Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Mais pourquoi vous vous excusez? » Ils ont dit « On aimerait mieux pas réouvrir ce livre-là. » Et donc... Donc, 8 une fois. Oui, savez-vous que Wahlberg, c'est le petit frère de Mark Wahlberg, qui est aussi un acteur et aussi Marky Mark and the Funky Bunch. 8 deux fois. Saviez-vous que Donnie Wahlberg, le petit frère de Mark Wahlberg, avait un rôle dans Simon, Saw je m'excuse. 2? 8 trois fois vendu. Vendu, ben oui. J'ai hâte de voir ça sur ton Facebook, moi. Tiens, je te laisse aller y mener. En fait, on a un autre lot. Hey, Dr. V. Docteur V, tu vas nous jouer encore deux tunes. Tu me dois une pièce. J'ai un dernier lot, peut-être, pour l'encan de ce soir. Oh, il est beau! Je vais le mettre, je vais le mettre. Loulou! Donc, là, vous, les plus rusés vont remarquer qu'on fait tenir les manches avec des épingles à couche. Moi, je me suis dit, si j'avais fait la job, vous m'auriez pas donné le 20$ que ça mérite. Je commence à devenir Jacques Demers tranquillement, je capote. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux perdre ton français un petit peu, puis éructer plus? Ouais, ben... non, mais il y a beaucoup de... Il va chercher son creux, Jacques Demers. OK, moi, je commence ça à 6$. 7. 7 une fois. 7 deux fois! Peut-être qu'ils sont pas au courant que c'est un code des Canadiens, hein? Avec des boutons pression, 7 trois fois vendu, parfait! C'est excellent! Yes! Donc ça nous amène tranquillement pas vite. On a vécu beaucoup d'émotions ce soir. Et là, je le sens. Le besoin est autant de danser, hein, je le sens. Exactement, on sent ça monter. Là, ce qui va se passer, c'est que Dr. V va venir faire son dernier set. C'est ça. Mais là, tu vois, il est collé sa chicks là-bas. C'est sûr! Que... Moi, quand je cherche Dr. V, d'habitude... À l'école, là, c'est ta soeur, finalement. Excuse-moi. Non, mais en fait, tu vas venir nous lancer ce qui te reste de Bill à sortir. Redégout, tout le reste, je veux toutes les réentendre. Ouais, je sais. Je veux toutes les réentendre. J'étais là, tu sais. Mais, donc, après ça, on va tasser des tables, puis on va mettre tous les gros hit dance des années 90 pour, je sais pas, vider la salle, mais... Revenez-nous demain. On commence très tôt en après-midi. On écoute tous les films de Simon Boisvert durant la fin de semaine. Et à 18h30 demain, je présente en ligne un épisode du Temps d'une paix. Effectivement. De Majeur et vacciné et du Tac au Tac. Alors, si elle n'est pas manqué, je serai évidemment présent pour y aller de mon commentaire du fuck. Indispensable. Donc, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Docteur V est en train d'être occupé. Rendez-vous. Sérément où? Là, t'as plus tout, là. T'en as plus? Moi, j'avais encore deux, puis après, on te crisse la paix. Merci beaucoup à Dr. V. Merci à Yannick à la console. Et puis, ben, ça va être sûrement moi, le DJ, parce que je me rappelle tout ce qui me t'a... Quand Nigel... Il fait dire que vous êtes capable de retenir mon gros doigt.